Quand on est jeune, on refuse souvent l'autorité parentale. Ta daronne se fit du souci pour toi et ça t'embarche, petit. Lui en veut pas si elle te demande de rentrer tôt. Tu crois que son inquiétude est un de ses plus grands défauts. Elle a ce don de tout savoir, elle sait quand tout va mal. Toujours là pour séparer quand ton frère veut te hagard. Elle sera là si t'es incarcéré à l'autre bout du monde. Elle sera présente au parloir alors que les autres t'oublieront. Je sais, t'as le ZF, ça te fait chier de faire les courses. Repense à quand tu puais, qu'elle devait changer tes couches. Elle t'aime plus que cette fille qui ne sera pas l'amour de ta vie. Même étant pauvre, elle dépannera du lait à la voisine. C'est pour les reines qui élèvent seul leur nom, qui triment à la sueur de leur front. Elle mériterait un plus beau trône. Pour celles qui ont du courage et un moral costaud, celles qui te portent pendant 9 mois avant que tu viennes au monde. Un message pour toutes nos princesses et nos reines. On est fougueux, on veut grandir trop vite. On se protège pas, on se rend pas compte qu'une erreur est commise. Résultat, trop de minotes se retrouvent en cloque. Quand les mecs n'assument pas le rêve d'une vie de famille s'envole. À toi qui iras seul à la maternité. Toi qui devras devenir adulte avant la majorité. Sachant que ta vie sera compliquée, tu prends le risque d'affronter. Disons que l'instinct maternel te dit que tu t'y sens obligé. À toi sur qui souvent on colle une étiquette. Les hommes rêvent de cucettes et les gâtis rêvent de poussettes. T'es une jeune fille, t'es devenue une jeune maman. Une princesse pour qui le prince charmant fut qu'un amant. À toi qui reste forte malgré le manque d'argent. Qui n'en veut pas au père malgré son refus d'engagement. Je te dis bravo, un grand respect, je le dis fièrement. De penser qu'il y ait plus d'avantages que d'inconvénients. Un message pour toutes nos princesses et nos rêves. J'ai réalisé ce que ma mère avait vécu. Elle était censée quitter le bled pour un avenir plus sûr. Changement de vie, de langue, de pays, de culture. Loin de sa famille, de ses proches, le déracinement fut le plus dur. Je te parle d'une femme qui s'est mariée, qui a eu beaucoup d'enfants. Qui d'un jour à l'autre a connu la mésentente. Qui a décidé de partir et d'assurer. Avec dans ses bagages presque une équipe de foot à assumer. Qui a dû se débrouiller pour payer des loyers. Qui s'est battue au lieu de baisser les bras et larmoyer. Une femme déçue qui ne s'est jamais remariée. Une femme qui dira tout va bien si elle devait témoigner. T'as mis ton bonheur côté pour qu'on ne manque de rien. Inch'Allah, si je réussis on aura de meilleurs lendemains. J'imagine le jour où t'as posé tes valises. Maman ne pleure plus, ton fils essaie de réparer ta vie. Toutes nos princesses et nos rêves. Yeah. Le soleil.